Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le pape Jean-Paul II. Habemus papam. Cardinalem Wojtyła. C'est le 16 octobre 1978 que le cardinal de Cracovie devient pape. Jean-Paul II passe instantanément à l'histoire en devenant le premier pape d'origine polonaise et le premier non-italien à être élu pape depuis plus de 4 siècles et demi. Jean-Paul II va de fait être le pape de tous les records. Il sera le pape à avoir le plus voyagé, le pape à avoir prononcé le plus grand nombre de discours, le pape à avoir procédé au plus grand nombre de béatifications et de canonisations et le pape détenant le record de longévité d'un pontificat au 20e siècle. Si Jésus vous rencontrait aujourd'hui, il vous dirait encore: oh, surtout, aimez-vous bien les uns les autres. C'est à ces signes que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, mes amis véritables. Oui, aimez-vous toujours davantage. Le pape Jean-Paul II, lors d'une messe prononcée à la basilique Notre-Dame de Montréal en septembre 1984, messe au cours de laquelle de jeunes écoliers vont lui souhaiter la bienvenue avec les paroles de la chanson de Gilles Vigneault, Jean du pays. Jean-Paul II va venir 3 fois au Canada, en 1984, en 1987 et en 2002, pour nous parler du parcours et de la pensée de Jean-Paul II. Mon invitée Catherine Foisy, qui est professeure au département de sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal. Catherine Foisy, bonjour. Bonjour, Jacques. Au-delà des statistiques, Catherine, de ces records que j'évoquais au tout début de l'émission, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que vous retenez d'abord et avant tout de Jean-Paul II? D'abord, je pense que c'est un pape qui a cherché à mettre en place les décrets du Concile de Vatican II, donc réellement faire en sorte que ce qui avait été déterminé entre 1962 et 1965 soit effectivement effectif dans l'Église catholique. L'autre chose qui me semble super importante de dire de Jean-Paul II, c'est qu'il a été d'une certaine manière une sorte de porte-étendard d'une reconquête culturelle ou d'une reconquête du catholicisme par la culture. Oui, mais ça c'est très important effectivement dans ce qu'il faut en retenir. Un petit mot sur les origines. Quand même, je le disais, c'est quand il passe instantanément à l'histoire à partir du moment où il devient pape, parce que c'est le premier pape polonais de l'histoire. Parlons de ses origines polonaises. Il naît dans une petite ville du sud de la Pologne en 1920, près de Cracovie. À quoi ressemblent ces années de jeunesse, Catherine Foisy? Alors, c'est un enfant qui, très rapidement, bon, va perdre sa mère à l'âge de 9 ans. Ensuite, va perdre son grand frère, qui était médecin, et va perdre son père au début de la décennie 1940. Et donc à 20 ans, il est orphelin. Il est orphelin à 21 ans. Et c'est en fait quelques temps plus tard qu'il reconnaît finalement l'appel au sacerdoce. Il est issu d'une famille très pieuse. Évidemment, la Pologne est un pays catholique. Et il va être marqué très profondément par tout ce que la Pologne va vivre sur le plan politique. Oui. Il va s'intéresser très tôt. Vous parlez de la culture. Il va étudier Jean-Paul II en quoi? La philosophie et le théâtre. Le théâtre et la culture vont faire partie de sa vie tout le temps, en fait. Et vous l'évoquez un peu, mais c'est tellement important pour lui, cette question culturelle, que ça va faire partie, ça, de son pontificat. Tout à fait. Alors, il va créer un conseil pontifical de la culture. Il va lui intégrer le conseil pour le dialogue interreligieux. Donc, c'est à la fois l'éducation, les familles, les jeunes, l'éducation chrétienne, mais au-delà de ça, toute l'intérêt du christianisme pour la transformation aussi du monde. Mm-hmm. Ce que le christianisme a apporté du point de vue de la culture. Ouais. Et vous le étudier. C'est un homme qui va étudier d'abord les lettres à l'Université Jagellonne de Cracovie. C'est un homme qui va étudier la philosophie. Il va également faire du théâtre et faire du théâtre clandestin dans le contexte de la Pologne qui est sous occupation nazie. Oui. Donc, ça, c'est quand même particulier. Oui. Et ce contexte-là, le contexte de la Pologne d'abord sous occupation nazie, puis ensuite, évidemment, sous le joug de Moscou, dans ce grand bloc de l'Est de l'époque, ça va aussi le marquer profondément. Durant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il étudie à Cracovie, justement, la force d'occupation nazie va fermer l'université, ce qui fait qu'il va se retrouver à l'usine, Jean-Paul II. J'en parle parce que ce sera important pour lui. C'est une expérience marquante qui va le sensibiliser aux conditions que vit la classe ouvrière. Et en fait, Catherine Foisy, autant il sera un farouche adversaire du communisme toute sa vie, autant il sera aussi, peut-être parce qu'il a vécu cette expérience en usine, très critique des excès du capitalisme. Oui, tout à fait. On peut dire de ce pape-là qu'il va vraiment être un promoteur de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église catholique. Et parmi les éléments importants, toute la question des travailleurs, toute la question du respect finalement de leurs droits, du respect de leurs conditions de travail. Et effectivement, il va critiquer un peu partout durant son pontificat, mais même avant, les excès relatifs au capitalisme. Oui. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Oui. La religion, de manière plus concrète, quand et comment se tourne-t-il vers la religion et comment gravit-il les échelons jusqu'à devenir pape? Alors, 1942, Karol Wojtyła va entrer au séminaire de Cracovie et à l'époque, c'est clandestin, donc ça ne doit pas être connu des autorités. En 1946, il est ordonné prêtre et son évêque, l'évêque de Cracovie, Monseigneur Sapia, l'envoie à l'Angelicum à Rome où il va poursuivre des études sous la direction du père dominicain Garrigou Lagrange. Et il va soutenir une thèse en 1948 qui porte sur la foi chez Saint Jean de la Croix, donc un mystique espagnol du 16e siècle. Et en 1954, après avoir soutenu une thèse à l'Université Jagellonne, une thèse en philosophie, il va devenir titulaire d'une chaire en éthique et il va être nommé en 1958 évêque auxiliaire de Cracovie et va accéder à l'archevêché de Cracovie en 1964. Il va être fait archevêque par Paul VI et il va devenir cardinal 3 ans plus tard, en 1967. Et en 1978, il est élu pape. Ouais. On va parler justement, dans un instant, de ce pontificat qui l'attend, Jean-Paul II, de l'homme d'Église qu'il sera. Mais un mot encore quand même, avant d'aller plus loin sur ce contexte politique, sur le rôle et l'influence qu'aura Jean-Paul II dans cette marche du peuple polonais vers la révolution polonaise en 89 et la chute du bloc communiste. On écoute à ce sujet son ami, conseiller, homme politique italien, Rocco Bottiglione, lors d'une émission spéciale consacrée au pape qui a été produite en 2000. C'était dimanche. Il est apparu sur le balcon pour son Angelus. Et il a dit, trop de mains polonaises ont fait couler trop de sang polonais pendant ce siècle. Plus jamais cela. On peut trouver des solutions par le dialogue si on arrête de répandre le sang polonais. Et en Pologne, tout le monde a compris ce qu'il voulait dire, cesser les exécutions. Je pense que Jaruzelski a compris le message et les prisonniers n'ont pas été exécutés. Il n'y a pas eu de soulèvement. Il y a eu 10 années de dialogue. Une solution a été trouvée qui a mené à la libération de la Pologne et la chute du communisme. Un mot d'abord sur le contexte évoqué dans cet extrait. L'Angelus auquel réfère Rocco Bottiglione date de 1981. Le fameux général Jaruzelski dont il est question dans cet extrait, c'est l'homme fort du régime communiste en Pologne à l'époque. Et les menaces d'exécution évoquées dans l'extrait touchent évidemment à ces membres du syndicat Solidarité, dont les dirigeants, entre autres Lech Wałęsa, ont été emprisonnés au début des années 80. Quel rôle Catherine Foisy va jouer, Jean-Paul II, dans cette marche du peuple polonais vers la révolution de 89 et dans la chute du bloc communiste? Jean-Paul II va jouer un rôle déterminant, et je dirais que ce rôle-là, c'est même en amont de son pontificat. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du moment où il est évêque auxiliaire de Cracovie et ensuite archevêque de Cracovie, il va prendre position déjà à ce moment-là par rapport au régime communiste et procéder à des messes en plein air, alors que ce sont des choses qui sont interdites du régime. Donc, c'est une manière de montrer au peuple qu'il ne doit pas avoir peur. Et rappelons-nous les premiers mots au moment où il est élu pape, « N'ayez pas peur ». Et il parle directement, c'est à peine voilé, il parle directement à son peuple. Ouais. Il parle plus largement aux catholiques du monde entier, mais il parle aux Polonais. Et le lien qui va se créer entre lui et Lech Walesa, c'est quand même extrêmement important, très fort, parce qu'il va prendre position pour Solidarnosc. Donc, c'est réellement un appui essentiel. Appui moral très, très important. Très fort. Un signe de reconnaissance, un signe d'espoir aussi. C'est ça qu'il offre un peu aux Polonais. Oui, tout à fait. On va y arriver. Une espérance. Oui, oui. Oui. N'ayez pas peur et continuez le combat. Oui. Vous allez atteindre la lumière. On peut dire qu'il est marqué au fer rouge par cette expérience communiste qu'il va vivre en Pologne. Il y aura un revers à la médaille, Catherine Foisy, puis je pense que c'est intéressant qu'on en parle. C'est tellement important pour lui. Il est tellement allergique au communisme, qu'il va être incapable, dans son Église, comme à l'extérieur de l'Église catholique, de reconnaître toute forme de courant à gauche, le socialisme, quel qu'il soit pour lui, où qu'il soit dans le monde, on ne touche pas à ça. Non, effectivement. Et le plus bel exemple, en fait, c'est à partir du moment où il nomme le cardinal Ratzinger, qui va devenir Benoît XVI, au poste de préfet de la doctrine de la foi, eh bien, il y a quand même... là, on va traduire, on va demander à des théologiens de la libération, entre autres, de venir à Rome et de s'expliquer. Je pense, entre autres, à Leonardo Boff au début des années 80. Et donc, ça, c'est une illustration de la difficulté, de l'incapacité qu'a eu Jean-Paul II à saisir que dans des contextes différents, les résonances et les fruits d'une approche positive, disons, du socialisme ou du marxisme pouvaient apporter des éléments positifs pour la culture puis pour les populations. Ouais. Parlons maintenant des questions plus théologiques, de son pontificat comme tel, de l'homme d'Église qu'il sera comme pape Jean-Paul II. Ça passe d'abord, je pense qu'on ne peut pas commencer par parler de la jeunesse. Hein. Ça fait partie au centre de la parole et de la démarche qu'il aura. Tout à fait. Et ça précède encore le pontificat. C'est-à-dire que dès qu'il rentre en Pologne en 1948, il va travailler comme aumônier, il va travailler avec des jeunes. Et même avant ça, au moment où il faisait du théâtre, il était très proche. Il a conservé des amitiés de cette époque-là, des gens qui se sont connus dans le contexte du théâtre, qui se sont mariés, qui ont eu des familles. Et quand il est pape, il reçoit souvent des amis personnels. Donc, il va maintenir tout le temps ce lien-là avec les familles et une affection particulière pour les jeunes, effectivement. Et il va mettre en place, à partir de 1985, ce qui existe jusqu'à aujourd'hui, les Journées mondiales de la jeunesse. Donc, ils sont des grands rassemblements qui permettent à des jeunes catholiques de partout à travers le monde de se réunir en un lieu, d'avoir accès à des catéchèses et de rencontrer le pape. Bon, évidemment, à distance, quand on est 1, 2, 3 millions de jeunes dans un stade ou réunis dans un grand parc, évidemment, on voit le pape de loin, mais ça va demeurer une préoccupation. Et il va mettre beaucoup d'emphase dans ses catéchèses, dans ses enseignements sur, bon, évidemment, on le sait, toutes les questions de morale sexuelle, mais c'est particulièrement dirigé à l'endroit des jeunes. Oui. On a un extrait, justement, qui nous amène sur ce terrain, sur cette pensée morale de Jean-Paul II, qui, effectivement, touche beaucoup les jeunes dans les préoccupations qu'il évoque, sexualité, drogue. On l'écoute, donc, extrait d'une émission que lui consacrait la télé de Radio-Canada en 2000. Vous entendrez d'abord Jean-Paul II, puis tout de suite après, le théologien André Nau. Je veux te dire et gridar che la vita è dono meraviglioso di Dio e nessuno ne è padrone. Vous devez dire et proclamer que la vie est un don merveilleux de Dieu et que personne n'en est le maître. Que l'avortement et l'euthanasie sont des crimes horribles contre la dignité de l'homme. Que la drogue est une irresponsable renonciation à la beauté de la vie. et que la pornographie est un appauvrissement et un endurcissement du cœur. Que la pornografia è impoverimento e inaridimento del cuore. Un pape, ce n'est pas un extraterrestre qui arrive tout d'un coup, puis c'est le Saint-Esprit qui arrive en lui, puis qui élimine tout le reste, n'est-ce pas? C'est un ancien professeur de morale. Il est arrivé sur le siège de Saint-Pierre avec sa formation propre, sa formation morale et ses convictions morales. Et il les garde. Et il se dit, j'essaie de me mettre dans sa peau. Il se dit, bon, le bon Dieu a voulu que je sois pape, moi, et avec les convictions morales que j'ai. Et puis alors, il voit les choses avec une grande clarté. Alors, oui, il a des convictions très, très profondes. Et peut-être que ça l'empêche de parfois d'entendre les objections, les difficultés qu'on peut faire sur telle ou telle présentation. Ces convictions très profondes dont parle André Nault, Catherine Foisy, les déclarations, certaines déclarations de Jean-Paul II vont choquer, vont créer la controverse. On pense à l'avortement, mais sur plein, beaucoup de questions qui touchent aux jeunes et aux femmes aussi. Mais comment définir sa pensée? Dans quelle mesure il est conservateur? Et est-ce qu'il n'est que conservateur? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, je pense qu'il est d'une certaine manière un peu inclassable, dans la mesure où, effectivement, sur le plan des prises de position morales qui concernent, entre autres, la question de la sexualité, il va être, et puis toute la protection de la vie en général, il va être intraitable. Donc, il s'inscrit dans la ligne de tout ce qui a été déterminé depuis les premiers papes, et qui fait le pain et le beurre de l'Église catholique d'une certaine façon. De l'autre côté, on peut dire que c'est un pape qui va se prononcer en défense des droits humains un peu partout à travers le monde, qui va dénoncer des régimes, des gouvernements, des abus de pouvoir, durant tout son pontificat. La dernière chose en liste, c'est en 2003, quand les Américains ont décidé d'attaquer l'Irak. Et donc, il va condamner ce geste-là de manière très forte. Donc, il y a... mais en même temps, c'est un homme qui s'inscrit encore là dans la tradition catholique de sa doctrine sociale. Ouais. Donc, il n'est pas particulièrement chaud à l'idée de la guerre et il va beaucoup militer pour la paix aussi à travers le dialogue interreligieux. Ça, pour lui, c'était très important. Mais il faut comprendre que toute la pensée de Jean-Paul II se base sur une conception de la société, du monde, où l'unité de base, c'est la famille. Oui. Et il faut absolument la protéger, il faut absolument lui donner les outils pour se renforcer, et donc d'où l'intérêt qu'il porte aussi particulièrement aux jeunes. Oui. Donc quelque chose de très traditionnel, on va appeler ça comme ça, dans sa pensée, tout au cours de son pontificat. Un autre élément central dont on ne peut pas ne pas parler, c'est la dimension médiatique de Jean-Paul II, son côté globe-trotter aussi. Pourquoi c'est si important pour lui? C'est très important parce que c'est un homme qui, finalement, qui cherche aussi à comprendre le monde dans lequel il vit. C'est un homme qui a un message à porter. Hein, ici au Canada, quand il est venu en 84, Céline Dion a chanté la chanson de la colombe, et puis la colombe se promène partout à travers le monde, mais elle a réellement un message. Et donc, c'est réellement, à partir du moment où il est nommé pape, une des premières choses qu'il fait, c'est de lancer aussi tout un mouvement qui est celui de la nouvelle évangélisation. Mm-hmm. Et il s'en fait le premier... Et ça passe par les médias et les voyages. Tout à fait. Ouais. Et il s'en fait le porte-parole, le premier porte-parole. Et il y a quelque chose d'assez charismatique aussi, il faut bien le dire. Quand Jean-Paul II s'adresse à une foule, on l'écoute. Non seulement on l'écoute, mais c'est un homme d'une grande stature, c'est un homme qui a 58 ans au moment où il est nommé, c'est pas un vieillard, c'est pas un pape de transition, c'est un homme qui est un athlète également, un très bel homme. Ouais. Cette ultra-médiatisation du pape va évidemment le rendre plus vulnérable sur le plan de la sécurité. À quelques occasions, 5 fois en fait, il sera victime d'attaques ou de tentatives d'attaques contre sa personne. Mesdames et messieurs, une émission spéciale de Radio-Canada. Eh bien, chers auditeurs, l'impensable, sinon l'impossible, s'est produit aujourd'hui, place Saint-Pierre à Rome. Le pape Jean-Paul II a été victime d'un attentat terroriste. Le Saint-Père est tombé sous les balles d'un arabe d'origine turque qui a déchargé son pistolet semi-automatique de 7 mm en direction de Jean-Paul II et l'a atteint de 3 balles, le blessant au bras et à l'épaule, à la main gauche et à l'abdomen. Ça fait partie de son style à lui. Il s'expose en première personne, comme on dit. Il ne veut pas justement qu'on bloque, qu'on empêche le contact. Et je pense pas, même si les gens actuellement sont bien frappés, mais je pense pas que ce qui lui est arrivé ce soir change quoi que ce soit à sa façon de concevoir son rôle. Il veut être proche des gens et avec les risques que cela comporte. Extrait d'une émission spéciale diffusée le 13 mai 1981. Vous y entendiez le présentateur Raymond Laplante, suivi du père Louis Laurendeau. Pourquoi, Catherine Foisy, il le disait, Louis Laurendeau, il vient d'être victime d'un attentat, mais il ne renoncera pas à ce contact, à cette proximité, Jean-Paul II. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour lui? Parce que c'est pour lui le meilleur moyen d'incarner ce que le catholicisme, ce que le christianisme a de meilleur à apporter. Cette proximité-là, ben, c'est un peu la même chose finalement que Jésus a fait durant sa vie, enfin, ce qui nous est transmis par les évangiles. Ouais. Donc, il se voit réellement comme un pèlerin. Il va mourir le 2 avril 2005 à l'âge de 84 ans. Ce qui est remarquable, c'est que le déclin physique de Jean-Paul II, on va le suivre pendant des années avec une grande transparence. Il est là jusqu'à la toute fin, il s'accroche. Contrairement, par exemple, à Benoît XVI, son successeur, qui lui va partir alors qu'il vit toujours. Pourquoi c'est important pour lui de vivre cette douleur, cette souffrance, ce déclin aux yeux de tout le monde? La première chose, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est cohérence. Il y a réellement dans cette image-là que nous laisse Jean-Paul II, et c'est plus qu'une image, dans cette expérience, la souffrance qu'il vit, qu'il mène de front au vu et au su du monde entier, il y a réellement une cohérence par rapport à ce qu'il a cherché à mettre de l'avant. C'est finalement de montrer que la vie humaine a une valeur jusqu'au bout, peu importe ce qui se trouve sur le chemin, et que cette souffrance-là également, elle peut avoir un sens. Donc ça, c'est réellement un témoignage chrétien. Ensuite, on peut être d'accord ou non, mais lui, c'était un homme de conviction très profonde. Il avait été profondément buriné, transformé par ce qu'il a vécu en Pologne. Mmh. Et la profondeur des convictions, je pense qu'elle était réellement trempée dans cette expérience-là. Mmh. Catherine Foisy, professeure au département de sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Lévesque. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité.